Le cadeau d'anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'on achète pour Kevin? Un livre ou un CD? Je sais pas, mais je crois qu'un bouquin c'est mieux. Il adore lire. Il a tout le temps un livre avec lui. T'as raison. En plus, on lui a déjà pris un CD pour son dernier anniversaire, non? Oui. Bon, quel jour on lui prend alors? Un recueil de poésie? Qu'est-ce que tu en dis? Perso, je déteste. C'est un truc de fille, ça. Je préfère les livres d'aventure ou les romans policiers. À mon avis, c'est plus intéressant et moins ennuyeux que tes poèmes. Oh là là, ça va. Bon, tu connais quelques auteurs au moins? Je connais plusieurs auteurs même. Bon, pour le genre policier, on peut choisir un livre de Siménon ou de Poe. Tu crois que Kevin va aimer? Bien sûr. Tu ne te souviens pas? Il adore les énigmes. Direction le rayon policier, alors. Regarde, il y a Code Invasion. C'est le dernier livre d'Adrien Anderson. Tu as déjà lu certains de ses romans? Non, je n'ai rien lu de lui. C'est qui? Un jeune auteur français. Et si je me souviens bien, il a déjà écrit plusieurs romans policiers et fantastiques. Ok,